êtes dans la zone 89.1. Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les Palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 31 mars au 6 avril 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, c'est Justine Renaud en remplacement de Stéphanie Paradis nationale. Notre seule unique Stéphanie Paradis n'est pas là aujourd'hui comme elle n'était pas là la semaine passée. Moi, j'ai pas eu le temps de la cloner, donc j'ai pas eu le choix de la remplacer. Ça faisait partie de mon projet de thèse de doctorat de cloner Stéphanie Paradis qui a la tête partout et qui fait tout en même temps. Mais là, en ce moment, toutes ses clones étaient occupées, fait que je suis celle qui occupe sa position. Et tu vas présenter ta thèse sur Stéphanie Paradis en 180 secondes derrière nous. Juste après l'émission. Oui, à la Chasse-Galerie, à partir de 17h, vous pourrez assister à la compétition Ma thèse en 180 secondes. J'y serai ainsi que plusieurs autres participants, une quinzaine d'autres participants à la maîtrise et au doctorat à l'UQTR. Ça risque d'être prometteur. 3 minutes par personne, top chrono. Top. On annonce sa thèse au complet. Oui. Si peu de temps pour si tant de choses. Si tant de choses, oui. Si tant. C'est comme un nouvel instrument de musique, mais après la sitar, c'est la sitar. Ouais. Le Satan. Le Satan, oui. Rar. Satan, rouler dans le noir. Satan dans mon miroir. Ça, c'est la chanson de Louis-Philippe Gingras qui joue dans une pub ici. Assez fou pour ceux qui écoutent. Là. Oh my God. Et c'est pas mon genre de musique. Mais notre genre de musique, c'est le top 40 qu'on Absolument. A en ce moment. 20 pièces du côté franco et 20 pièces du côté anglophone. Il y a seulement deux nouvelles entrées, donc on va commencer avec ça plus tard. Par contre, il va y avoir un instant classique, ça c'est le meilleur moment d'assemblage requis. C'était fou, s'en vient, Palmer Rest in Peace, nos chroniques régulières. Mais commençons avec nos nouvelles entrées. Plus tard, Tokyo Police Club et The Darcy's, débutons en 20e francophone. Catherine Leduc avec Les Vieux Hiboux. Ouh, ouh. Ça, si je me rappelle bien, c'est l'ancienne de Tricot Machine, Catherine Leduc. Ah, ça doit être excellent. On écoute ça. On peut balancer fou. 81 FM. T'es pas en date. Comment? Burp. Là, je fais des rats, c'est rendu. Ouais, pas ben de ploup, c'est une crotte, puis burp, c'est un rat. Chante dans le bois. Entrée. I'm Tokyo Police Lab et Miserable, nouvelle entrée en 19e position anglophone. On a sauté par-dessus la 19e francophone. La 19e qui était Mordicus avec Le Roi Soleil, que moi j'aime beaucoup cette chanson-là, en fait. Pourquoi on a sauté par-dessus? Ah, ben je sais pas. Faut qu'on sorte les vieilles pièces. Elle a 9 semaines de présence. Les vieilles pièces! Ben, tantôt, on a parlé justement en 20e place. On va dire le bloc des 20e avant d'en parler. En 20e anglophone, c'était The Darcy's, nouvelle entrée avec Horses Fell. Et Catherine Leduc avec Les Vieux Hiboux en franco. 20e position. Mais là, les vieux hiboux, là. Ouais, mettons, jason des vieux hiboux, là. Mettons que t'es à la piscine de l'Expo, là, pis que les résidences Soleil font une sortie de groupe, okay. Pis que dehors, c'est l'été, il fait 45 degrés. Ben, les vieux hiboux, là. Genre, mettons, là. Mettons, les vieux hiboux. Ils bouillent. Ils bouillent pas mal. On les met à broye. On les aime beaucoup. Oui. Québec solidaire est contre les vieux qui bouent. Les vieux qui bouent, c'est dans leur plateforme. Hein? C'est, nous, on n'aime pas les vieux quand on les met dans l'eau, dans un chaudron. Ouais, mais non, mais ils veulent pas qu'ils bouent. Ils veulent les protéger contre la bouilloire, contre le bouillement. Contre le pouvoir du bouilloire, de la bouilloire. C'est n'importe quoi. C'est un peu n'importe quoi, en effet. Donc, on a entendu nos nouvelles entrées. Il y en a 3. Le reste, on va les sauter parce que c'est pas des nouvelles entrées. Mais quand on accueille de nouvelles pièces, Justine, il faut dire au revoir aux pièces qui nous ont quittées. C'est comme super solennel. T'sais. Et dans ce temps-là, ben, on dit Palma Rest in Peace. Comment? Palma Rest. Je pense que la chanson thème qu'on a est meilleure que ce que tu viens de faire là, mais OK. Voici les pièces qu'ils ont quittées depuis les précédents palmarès. Je reviens à l'abri. À l'abri du tempo. Son char à deux. et les extraits des pièces qui ont quitté les Palmarès C'est fou depuis l'édition du 24 au 30 mars 2014. On a débuté avec David Marin et À l'abri du tempo qui a duré 8 semaines. Ensuite, Mode moderne et She Untamed qui a elle aussi duré un bon gros 8 semaines. On a terminé avec une de mes pièces préférées de l'album The Real Canoe, donc la pièce Hold On to the Metal. C'était, ça a duré 7 semaines. Et c'est le nom de l'album est, m'échappe, mais okay, il m'échappe. Échappe pas l'album. Ben, ça l'arrière. Coûte de l'argent. Ouais, c'est ça. On n'a pas ce budget-là. Ramasse tes affaires. Alors voilà, pour Palmarès C'est fou, on fait ça chaque semaine au Palmarès C'est fou. On dit au revoir aux pièces qui nous ont quittées. Maintenant, ben, on saute par-dessus quelques affaires qui sont plus vieilles pour pouvoir accélérer dans le temps. On saute par-dessus les 18e places. En anglophone, on aurait entendu The Royal We et Siren Song. Et du côté franco, on aurait entendu Radio Radio et Je Feel Zoo. Je Feel Zoo. On s'en va au 17e. Donc, du côté anglophone, c'est Sebastian Granger avec son extrait Some People Are Ghosts Too Soon qui descend de la 4e place. En franco, on entend On a créé un monstre et ta langue sale. Ben voyons là, donc, où ta langue sale. Où c'est que tu l'as mis, ta langue, qu'elle soit sale, hein? Des oreilles à David Ferron. La langue dans ton oreille, c'est son ancienne crème. Ah ouais, c'est bon ça. Il nous manque, David Ferron. Oui, ouais. On s'ennuie. On s'ennuie. On l'écoute le dimanche soir à 17h. De ton palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique de toute la station complète. We'll be right back. not fair for friends. It's not fair for all his friends. Stay up till the morning time. Stay up till they see the light. Some people are ghosts too soon. Some people are ghosts on time. Some people are ghosts too soon. Some people are ghosts on time. Sebastian Granger et Some People Are Ghosts Too Soon descendent à la quatrième place en 17e position anglophone. Avant ça, on a entendu Ta langue sale de On a créé un monstre en franco. On a mis ça directement dans le lecteur puis on l'a fait entendre une langue sale. Blablabla. On est rendu au 16e place. Justine Renaud qui est avec nous pour co-animer la première heure des Panneries Fous cette semaine. Oui, donc j'ai mis une perruque noire pour imiter Stéphanie Paradis qui aujourd'hui est en train de sauver le monde. Donc il a fallu que je prenne sa place et sauver la radio. Oh! Est-ce qu'elle porte une cape? Quelle couleur serait la cape de Stéphanie Paradis? Franchement, c'est une maudite bonne question. C'est quoi la couleur préférée à Stéphanie? Dur à dire. Je sais pas, je dirais un genre de... Peut-être un rose quelconque. Rose? Point. Rose. C'est pas parce rose. Que c'est une fille qu'on aime pas tout le rose. Moi, je sais qu'elle porte des fois des vêtements avec du rose dessus. Des fois des vêtements avec du rose dessus. Jaune, des fois aussi, ça arrive aussi. Oui, jaune et rose. J'avoue qu'on se connaît pas assez. On s'est pas posé des questions de base ASL. On va aller l'appeler, on va aller lui demander. Pendant d'accord. qu'elle sauve le monde, ça. Parfait, je suis sûr qu'elle va être bien ouverte à ça. Et son nom de super-héros, mettons, à Stéphanie Paradis? Super! Attends, quelque chose avec paradis dedans. Ouais, ben j'allais dire super radis. Tu sais. Super radis! Bon, on l'appelle Mademoiselle Sparadis, tu sais. Sparadis. Sparadis. C'est bon ça, ouais. J'aime ça. Super ready. Super ready est toujours prête. Son slogan, toujours prête, les trois doigts dans les airs. Super ready, toujours prête. Toujours avec une haleine de radio aussi. Hey, en plus, ça a rapport avec la radio, Radio Radio. Radio Radio. C'est comme le groupe de musique, Radio Radio. Non, ouais. Ça, c'est Radio Radio, je pense. Radio Radio. Hey, je me parle tellement un groupe qui s'appelle Radio Radio. Et on va appeler aussi Francis Radio. Ah oh, oui. Pour être le frontman du groupe Radio Radio. Ah, hey, avec beaucoup trop d'énergie, ce gars-là. Hein. Tellement. Ah, il est passé où, lui, ça? Ben, je sais pas, hier, il était à... c'est quoi ton émission à Radio-Canada? À Radio-Canada? Radio-Canada! Hey, tout fait ensemble! C'est pas pour le plaisir, là, mais c'est genre... Alors, on jase! Alors, on jase avec Élise Marquis voilà. et Joël Legendre. Francis Radi, était là. Voilà! Voilà, c'est tout, ça finit là, il est là. C'est une belle anecdote. L'anecdote. Donc, on radote nos anecdotes. Donc, passons aux prochaines positions, c'est-à-dire les 16e. Du côté anglophone, on entendra Haim et Falling. Ça, c'est vraiment bon, ça descend d'une place. Oh, du côté francophone, on écoutera Mehdi Cayenne Club avec chacun son arc-en-ciel. Moi, j'en ai un. Toi, t'en as-tu un? Oui, oui. C'est bon, ça. Dans ma poche? Dans mon garage. Dans ton garage. OK. Gay Pride. Drôle de place pour mettre son arc-en-ciel, je trouve. Chacun son arc-en-ciel. Chacun sa folie de miel. Sa couleur imaginaire. Chacun son lit

Haim et Falling descendent d'une place en 16e position anglophone. En francophone, on a entendu Midi Cayenne Club avec chacun son arc-en-ciel. Moi, on dit que c'est bon du Haim. Mais ça, hein? Et une chose que tu m'as fait reconnaître le talent de ce groupe-là, c'est vraiment excellent. Et si vous aimez cette pièce-là, allez retrouver l'ancien extrait du palmarès, c'était The Wire. Ah, oh, que je l'aime tout le temps, cette pièce-là! Et dans ma to-do list et to listen list. Ta liste de choses à se farcir. Dans les oreilles. Voilà, comme un ravioli, comme un beefaroni. Radioli. Radioli. Les jeux de mots de radis tantôt. Radi. Ta sorte de pâte en canne préférée, mettons, est-ce que tu choisirais le ravioli, le beefaroni, le spaghettios? Je pense que c'était-tu le beefaroni? Beefaroni? Ben, on parle en ce moment probablement de la marque Cacan. Oui, la marque Cacan du chef Monsieur Cacan. Monsieur Fort Boyard. Le slogan, Monsieur Fort Boyard. Le slogan, c'est Yes, we can. Yes, we can. Americans. American. Yes, we can. oui, donc moi, je pense que c'était soit les beefaroni ou les raviolis. OK. Ben, dans les deux cas, c'était mieux chauffé. Oui, c'est dans, pas bon froid. C'est vrai. Et dans les deux cas, Colin, ça goûte tout à la même affaire, mais en forme différente. Ouais, ben voilà. Voilà, c'est, ça dit tout. Hein? La primavera, ça goûtait vraiment pas bon. Primavera? Oui, mais ça venait avec des faux légumes, ça goûtait pas pendant des légumes. Non? Ben, donc, on est rendu au position numéro 15. Côté anglophone, c'est Dear Criminals et Took It From Me. Tu vas avoir un fait intéressant là-dessus tantôt, mais ça descend de 3 places. En franco, je vous propose d'aller écouter Simon Kearney. Mais crème, es-tu francophone ou anglophone, Simon Kearney? En tout cas, lui veut qu'on lui fasse mal. Fais-moi mal. Elle était intitulé de sa chanson, ouais. Fais-moi mal. Et on dirait... Simon Kearney. Non, mais c'est Simon Kearney. C'est sûrement une autre marque de Fort Boyardi, ça. C'est, c'est du Simon Kearney, du macaroni au Simon. Simon Kearney. C'est les palmarès si fous, 89 FM. Ah. Gagné déjà, j'ai plus peur de partir au loin. Fais ça vite, oublie le sac à main. Fais-moi mal encore. Griffe-moi le dos, arrache-moi la peau. Enlève-moi, je suis bien mieux chez toi. Mm-hmm. You gave it to me, you took it from me, you threw it at me, then you watched me cry. You gave it to me, you took it from me, you threw it at me, then you watched me cry. You gave it to me, you took it from me, you threw it at me, then you watched me cry. You gave it to me, you took it from me, you threw it at me, then you watched me cry. Drink up all the ocean, made it dry, acting all surprised. Drink up all the ocean, made it dry, gathering the lies. Drink up all the ocean, made it dry, watching lovers drown. Drink up all the ocean, made it dry. You gave it to me, you took it from me, you threw it at me, then you watched me cry. You gave it to me, you took it from me, you threw it at me, then you watched me cry. You gave it to me, you took it from me, you threw it at me, then you watched me cry. You gave it to me, you took it from me, you threw it at me, then you watched me cry. Drink up all the ocean, made it dry. You took all the light, and when you hold on, your fist too tight. On trouvait que ça manquait de percussion un peu. Where are the percussions? Pardonnez-nous le percussion. Là, ça marche plus. Bon. Donc, c'était une chanson très très calme, mais en même temps excellente. Si c'était pas du fait que ça manque de percussion, c'est Dear Criminals, They Took It From Me qui descend de 3 places en 15e anglo. Juste avant, on a entendu en frango. En frango. Simon! On se donne le frango. Le frango. Frango nuovo. Frango. En tout cas, Simon Kearney. Simon Kearney? Ben, on se demandait justement. Et il va falloir l'appeler pour lui demander ton nom, il s'appelle comment? C'est un peu comme le Gene H. Kruger, la rue, le boulevard à Trois-Rivières-Ouest. On dit Gene H. Kruger, on dit le H en français, c'est comme moitié anglais, moitié français. On dirait de l'acadien quasiment. Ça. Ouais, Jane H. Kruger ou Gene H. Kruger? Gene H. Kruger ou Gina, mais avec un H à la fin, tu sais? Gina Cougar. Cougar, ou ouais, c'est ça. Mettons, ce serait comme une cougar, une femme cougar. Oui. OK, mais elle s'appelle Gina. Puis elle se retrouve dans un bar au coin de deux rues miteuses un peu. Au petit pub. Mais tu sais, elle sent beaucoup de l'entre-gens, les portes à papier. C'est Gina Cougar. Elle a le rouleau un peu moins frais. C'est ça. Ouais. Ah, bye-bye. Mais Simon, là, qui arnie, lui, là, en tout cas, il veut qu'on lui fasse mal. Je l'ai dit avant, non, mais c'est... le nom de sa chanson, c'est Fais-moi mal, il fallait pas passer par-dessus. Fais-moi mal, Gina. Fais-moi mal, Cougar. Gina. Donc voilà pour notre 15e position, on est rendu aux 14e places. Ah, avant ça, Avant qu'on l'oublie, Dear Criminals, tu m'as dit quelque chose à rendre que je n'avais pas une information pertinente dans cette émission-ci. Ça arrive qu'on en a une fois de temps en temps. C'est pertinent de savoir que Dear Criminals est formé à moitié des membres du groupe de Random Recipe, un excellent groupe qui vient de la scène Sherbrooklyn. Moi, j'aime bien ça. Sherbrooklyn. Oh, c'est beau, hein? Il vient de Sherbrooke. Donc, on a une quantité de monde dont... Il y a Vincent, que je me rappelle, Legault, je pense son nom de famille, Vincent Legault, avec, en compagnie de Franny Holder, donc qui compose Dear Criminals. Je pense qu'il y a peut-être d'autres membres, mais je ne suis pas certaine. Je sais que il y a c'est Gina comme Cougar, crack, là, c'est Gina, c'est ça. Mais non, sérieusement, on entend comme une similarité, dans le fond, dans pas dans les mélodies, pas non plus dans le l'âme, mais plus un petit peu au niveau instrumental. Là. J'ai trouvé ça excellent, mais sérieusement, ça manquait de percussion. Là, j'en aurais mis à quelque part. Ben, on a mis à la fin, au moins. Ouais. On va pouvoir leur envoyer ça. On a sauvé la chanson. Et voilà. Sauvons-la dans la chanson. Sauver la chanson! Chose à sauver mon âme avec ces chansons, tu fais juste enlever milieu sauver sur la chanson. Mon âme! On est rendu aux positions numéro 14. Tiens, du côté anglophone, ce sera Unknown Color et Me and I qui montent de la 20e place. C'était une nouvelle entrée la semaine passée. De mon côté, on va écouter Auguste avec 3 jours en hiver. De notre côté, c'est plus comme genre 3 ans en hiver. Genre, hein? Ça fait 3 ans, mais là, ça commence à dégeler puis ça pue. Je voulais juste le dire. ça pue, c'est une chanson en 4e position que vous allez entendre plus tard, peut-être. Est-ce que c'est plus autant que l'entre-genre de Mme Gina Kruger? Je sais pas, mais Pépé et sa guitare dit que ça pue, lui. Ah, c'est vrai, ça. Peut-être qu'il parle de Gina. C'est pas mal, c'est fou, au 89 FM. Trois longs jours et je m'en irai. J'écris, je compte chaque seconde. Quart de sombre et long, presque supportable. Depuis que tu n'y es plus, ici la lune ne brille pas. Ici les tours sont comme des rois. Et quand la neige fondra en mai, je serai à toi. De longs jours et je m'en irai ici. Le temps c'est comme le vent. Et je pense à tout. Et je pense à rien. Et je me tue en dedans. Ici la lune ne brille pas. Ici les tours sont comme des rois. Et quand la neige fondra. Je m'en irai loin de cette ville malade, car je tiens sur un fil qui ne tient à rien et qui cassera bientôt. Ici la lune ne brille pas. Ici les tours sont comme des rois. Et quand la neige fondra en mai, je serai à toi. Ici la lune ne brille pas. Ici les tours sont comme des rois. Et quand la neige fondra. Là-bas, les lumières ne brillent que pour toi. ah, là-bas j'en rêve depuis longtemps. Can you tell me one thing I don't know? Like the road you have taken, which way should I go? Unknown Color et Me and I montent de 6 places en 14e position anglophone. En franco, on a entendu Auguste avec 3 jours en hiver. Ouais! On saute par-dessus les positions 13, 12 et 11 en anglophone. En 13e, on aura entendu Sexy Mathematics et Winter. En 12e, Ballader et Pretty Face. Et en 11e, ça aurait monté de 3, Lederhosen, Lucid et Kristen Muir avec Two Vikings. Du côté francophone, en 13e position, on aura entendu Claude Pelgag avec Comme des Rames. Monogrenade avec Metropolis en 12e et en 11e position, David Jagger et la pornographie. Oh, on manque de la pornographie. On manque de la pornographie. Mais évidemment, toutes ces pièces-là qu'on a sautées dans la première heure. On les a sautées telles des pornographes. Pardon. Ouh, ouh, ouh. Alors, on va peut-être y revenir en fin d'émission. Pour l'instant, par contre, on doit dire au revoir à Justine Renaud. Eh oui, je quitte. Mon Dieu, je quitte. Tu quittes, tu démissionnes. Je démissionne, je m'en vais donner mon 2 semaines d'avis à je sais pas qui. Oubliez pas, là, ceux qui sont en ville et qui sont à l'UQTR en ce moment, là, si à 17h vous êtes là, vous pouvez venir nous rejoindre à la Chasse-Galerie pour aller écouter, dans le fond, ce que font vos maîtrisiers et vos doctorantiers à la recherche. Ma thèse en 180 secondes qui va y figurer là, de 17h à peu près 18h30. C'est pour les gens qui nous écoutent le jeudi, donc présentez-vous, oui. Chasse-Galerie 17h. Jeudi. Merci de préciser que c'est le jeudi. Et tout se passe vers les 18h quelques, donc on va pouvoir être là après l'émission pour être encore. 18h09 précisément. 18h09. Top chrono. Top. Donc, merci, Justine. Ça m'a fait plaisir. À bientôt pour les autres. On se retrouve pour une deuxième heure dans quelques instants. Vous êtes dans la zone 89.1. Bon, c'est la deuxième heure des Palmarès Cifou pour la semaine du 31 mars au 6 avril 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Stéphanie Paradis a congé cette semaine. On va commencer notre heure avec les 10e positions, mais avant ça, je dois vous dire que tout à l'heure, ce sera les meilleurs moments d'assemblage requis dans ce qu'on appelle un instant classique. C'est un petit genre de 9 minutes environ des meilleurs moments. Donc, c'est que du bon stock. Mais avant ça, les 10e places en anglophone, Rebecca Higgs et Loneliness qui est stable du côté anglophone, alors qu'en franco, c'est aussi stable. C'est Ariel. Voici leur extrait, Ma Haine, au 89 FM. C'est les Palmarès Cifou. Ma haine. L'AGE UQTR est fière de s'associer à cette présentation des palmarès C'est fou. cut through the line, straight to desire, and I'll push your record on. Go, go on. La très accrocheuse pièce de Gramercy Riffs, Desire Trails, 9e position qui monte de 4 en anglophone. Et avant ça, Mardi Noir avec Palais de Mélamine qui descend de 3 places. On a aussi entendu les 10e places en anglophone, Rebecca Higgs et Loneliness. Et Ariel avec Maëlle, les deux sont stables. Et c'est ce qui nous amène au meilleur moment d'assemblage requis. Voici un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 31 mars 2014. Tu as fait des exercices avant de faire de la radio, même le matin, hein? Tu ne veux pas te faire une entorse. Une entorse de la glotte. De la glotte. L'entorse de la glotte. Ouais, c'est ça. Ouais, des glottes. Oui. Oui. Tout ce qui rime en des rottes. Oui. Des menottes. Des. Moi, je passe de la glotte à l'âne. Oh, wow! Du coq à l'âne. Tu vois, c'est ça. Je mets la table pour les deux prochains jours ensemble. C'est tout pour Stéphane. Oh, Stéphane. Stéphane Harper. Stéphane. T'es un grand fan de Tim Hortons. Je pense qu'on l'a déjà vu avec un bain sur une photo à un moment donné, Stephen Harper. Ah, oh, peut-être. Steven. Steven. Je pense qu'on l'a vu aussi avec des bébés. Je pense que c'est un grand fan de bébés. Il mangeait des bébés? Ah ben ça, l'histoire ne le dit pas, Mathieu. Y a-t-il la cambaston dans un bébé? Garde dans la couche. Top! Des films américains qui ont été traduits en japonais. Et là, on les retraduit en anglais. Et après ça, moi, je vais les traduire en français. Oh. The Man Who Stare at Goats. Québec, le titre qui a de l'allure. Oui, les hommes qui regardent les chèvres. The Man Who Stare at Goats, c'est les hommes qui regardent les chèvres. C'est clairement la traduction littérale. En France, ils ont choisi... Les chèvres du Pentagone. Les chèvres du Pentagone. Au moins, c'est pas Very Bad Chèvre. C'est ou... toute Very Bad quelque chose. Ou encore... Chèvrising must go. Tout doit partir. Chèvrising. Je suis hors zone, je suis hors zone. Non, c'est pas ça. Non, c'est l'assemblage requis. Bon matin, bienvenue à l'assemblage requis ce mardi 1er avril 2014. Mardi kinky! Oui! C'était pas une blague de poisson d'avril que c'était hors zone, là, en passant. Parce qu'on on l'apprécie énormément, le gars d'hors zone. Je l'ai même pas vu venir. Non, c'est Olivier. Tu l'as pas vu venir? Non. T'as pas assisté à son émission. Il reste des blagues, là, c'est rendu mauvais goût. Là. Ouais, là, on déborde. On déborde un petit peu, comme lui de ses couvertures. Non, c'est aucun rapport. C'est même pas drôle, même pas vrai. Non, non, c'est quoi ces blagues-là? Ce matin, l'émission Jean-Philippe Charbonneau, premièrement. Bonjour. Oui. Mathieu Plante, vraiment? Merci, enchanté. Aujourd'hui, on a à 8h Marie Laurence. C'est toi, Mathieu Plante. Bon, le fameux, oui. L'animateur de hors zone, là, c'est toi, ça. Tourisme gourmand, un peu comme la route des vins, comme la route des baleines. Comme, peu importe, vous comprenez le principe. La casque route. Ah. C'est la route des casse-croûtes, ça. Oui. C'est d'aller sur le terrain, d'aller vraiment découvrir la place. Sur la terrine. Sur la terrine. On étire ça, on fait des visites, on fait découvrir plus que juste le produit. Est-ce que tu es en train de me dire qu'on touristique pas juste sur une affaire, t'sais? On touristique pas juste sur une affaire? T'as pointu, on stick sur une affaire, t'sais? Comme dans, quand tu stick sur quelque chose? Touristique. On l'a compris, mais je suis pas sûre qu'on l'a trouvé non. Drôle. En trouvant des bons chefs, t'sais, pour venir cuisiner ça dans une place. Qu'est-ce que les Indiens ont un rapport là-dedans? Grand chef. Ah, chef! Est-ce que je la note, ça, là, Merlin? Ah, elle était bonne, OK, parfait. Il est présentement 8h15. Ah, merci. Jamais les gens auront été aussi au courant de l'heure. C'est ça, de chaque gag. Oui, l'émission, juste pour annoncer l'heure. Fait qu'on fait des alentours pour annoncer l'heure. Tu notes vraiment tout, c'est génial. C'est le but. Pour ceux qui viennent se joindre à nous. On va les répéter toutes les 3 minutes. C'est le moment des meilleurs moments. On regarde la prise au ralenti. Le grand chef. Tantôt, tu as parlé d'aspect agricole. Ça sonnait comme un spagricole. Spagricole, ça, c'est un spaghetti boule de viande. Un spagricole, spaghetti boule de viande. Vous retrouvez l'ordre du jour des deux assemblées que nous allons effectuer dès 13h30. On peut toujours dire qu'aujourd'hui, il faut absolument être drôle. Ça, c'est l'ordre du jour. Anna, t'es un rebelle. C'est un ordre, t'es un rebelle. Je suis un rebelle. Je ne suis pas les règles. Je suis Jean-Philippe Charbonneau. Et j'accepte ce message. Est-ce que c'est l'heure de ma chanson? S'il te plaît. OK. C'est sur l'air, tu sais, de « Comme il est doux ». À travers les brumes. Que, ouais, ça vous. Ok, check bien ça. Hymne au produit du terroir, c'est moi qui y faisais. Ok. À travers les ailes, il faut toutes les manger comme c'est bon. Comme c'est bon. Comme c'est bon. Là, on peut mettre un loop là-dessus. Ok. Ouais. Ça va être ça. Oui. Ça va être ça. Tu veux qu'elle joue combien de fois de suite? Ah, comme l'original. Comme l'original. 4 minutes 23. À travers les ailes. Il faut toutes les manger comme c'est bon. À travers les ailes. Il faut toutes les manger comme c'est bon. À travers les ailes. Il faut toutes les manger comme c'est bon. Comme c'est bon. Comme c'est bon. On va avoir sur la chronique que... attends, je vais y aller dans l'ordre. C'est pas sérieux. Oui, mais il y a ça, entre autres. Ça va être bon, ça. Ça va être écœur. Hein? C'est nouveau. C'est un nouveau concept. OK. C'est la chronique du... J'ai hâte de voir l'intro. Ça va être chanté comme ça. C'est comme de l'hébreu. Hébreu. T'as frappé sur tout le monde. Ouais, hein? Mais c'est, tu vois, opportunité. Equal opportunity offender. Je frappe sur tout le monde égal, comme ça personne se sent mal. T'sais. Ou tout le monde se sent mal. Ou tout le monde t'en veut, puis il a le goût de te frapper après. Cool. Peut-être que j'aime ça, le frapper. Hein? C'est bien ça, Mathieu. T'en apprends trop à mon sujet, là. Oh mon Dieu, des nouveaux papillons après le... Papillon, ouais, est un outil de quincaillerie pour visser des affaires. C'est vrai. Moi, je mets ça sur mes boucles d'oreilles, ou des papillons. Ah oui, aussi. C'est ce qui fait tenir le micro qui tombe tout le temps. Mais tu sais, quand un gars, tu dis papillon, lui, voit la petite vis. Là. Une cravate, un papillon, un nœud papillon. Ah, un nœud papillon. Ouais, y a ça. Ouais, ouais, ouais. Personnellement, ce serait en effet, et je niaise même pas, le premier article, ouais, qui me viendra en tête avec le mot papillon. Ouais. Non, essaye pas de construire une personnalité différente. C'est vrai. T'aimes pas les insectes, ça, c'est assez unisexe, les insectes. Pourquoi les insectes, soudainement? Mais un papillon. Ah, le papillon, ben oui, excuse-moi. T'es donc ben... C'est quoi le rapport avec les insectes? Oui, pourquoi tu me parles? On était voir Lisa Leblanc. Hein? OK, à... Où est-ce qu'on était? C'était pas à Saint-Narcisse. C'est un Lisa Leblanc de mémoire. À Saint-Casimir. On aime se mettre au courant un petit peu de la musique qui existe. Il y en a tellement. Ben, alors, c'est fou, c'est fou. Donc, on doit filtrer ça. C'est Stéphanie qui est notre filtreuse en chef. Une vraie Brita, pour être appelée de même. Hey, mais non, pas un filtre. Je veux pas parce qu'il faut que tu échanges régulièrement les filtres. On peut pas changer Stéphanie régulièrement, ben, pour une autre Stéphanie? Tente pas. J'aimerais ça rester. OK. Je vais te laisser rester. Bonjour et bienvenue à Sondage Requis en ce jeudi 3 avril 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. 2014. Ça, c'était mal dit, ça. Ben, y a rien là. T'as entendu ma voix? Ah, c'est vrai, t'as un rhume, un début de rhume, on pourrait dire? Je le sais pas. On dirait que c'est comme un nouveau qui a embarqué sur mon vieux. Ouais. C'était pas au stade où c'est rendu, tu sais, quand t'as un rhume, des fois, ta voix devient comme, tu sais, rauque, sexy un peu, t'sais. La plupart des gens, c'est comme ça qu'ils trouvent leur voix, tu sais, sexy. T'sais. Ah ouais? Ouais. Non, moi, je trouve que je fausse. On dirait que je suis un gars, puis je vais muer. Hein. On dirait que t'es moi quand je chante. Fausse. Quand moi, je parle. Quand moi, je parle. Je fausse comme quand tu chantes. Voilà. Il y a 4 scénarios. Un gouvernement majoritaire péquiste, un gouvernement majoritaire libéral, gouvernement minoritaire péquiste et gouvernement minéral. Ah oui, ça va être bon pour la santé. minoritaire libéral, pardon. Attends, gouvernement minéral, ça va être... on va revenir sur la périéquation. Perrier. Comme Pierre, oh, OK. Elle est très bonne, celle-là. Merci. Françoise David, elle, la co-chef de Québec solidaire, n'a pas voulu dire qu'elle était partante pour un mandat de 4 ans. Parce qu'elle a 66 ans, elle aussi, elle commence à être fatiguée. Je me rappelle l'époque où Françoise David était Françoise de remplie. Puis c'était une belle époque, tu sais. La star est David. Je vais la noter, celle-là. Merci. Françoise David, elle, le meilleur scénario pour QS lundi prochain serait de se retrouver avec la balance du pouvoir. Disons que Françoise va pouvoir chanter Living David Aloka. Living David Aloka. David. T'es en feu à matin, Mathieu. Ce serait drôle si Amir Kadir, mettons, Québec solidaire, mettons que les élections avaient lieu mercredi, tu pourrais dire Amir Kadir prochain. Ouais. Déjà t'es fait, celle-là. Non, ben, quand même, bien. OK, merci. Hein? Bien. Qu'est-ce que tu m'as amené à goûter aujourd'hui? Ça a l'air d'être en forme de quelque chose qui se mange et non pas qui se boit, donc c'est mon premier indice. Hein? C'est, oui, c'est en forme longue, phallique. Ouh! Pas tant, c'est carré. Ben, c'est une portante, finalement. Ça dépend, on juge pas si votre phallus est carré, c'est votre. Rectangulaire droit. Avec des angles. OK. C'était les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 31 mars 2014. Je suis un fan de cette semaine-là. Je l'ai bien aimé. Très rempli. Un bon 9 minutes de bons moments, je trouve savoureux. Écoutez, assemblage requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. C'est Stéphanie Paradis, Jean-Philippe Charbonneau et moi-même Mathieu Plante qui animons cette émission-là. Ici même, assez fou. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, balado diffusion et aussi les capsules, l'instant classique, sont toutes rassemblées dans la page qui porte ce même nom, un instant classique. Allez-y, assemblagerequis.com. Hey, on va y aller avec un autre petit bloc de chansons, c'est les huitièmes. Du côté anglophone, on retrouve Mark Berube et Carnival qui descendent de deux places. Mais avant ça, tout de suite, voici les Hey Babies qui montent directement de la 20e place. C'était nouveau la semaine passée, c'est Fil de téléphone. Tout de suite sur C'est fou, 89 FM. Jeudi passé, encore la même histoire. Ça, je t'ai promis. Je réservais un soir. Y'a beaucoup de route à faire. C'est pas comme l'année dernière. Quand je t'ai dit que mon cœur resterait avec le tien. Pis sans t'enlever, que je t'aime pis je peux pas. C'est fou. 89 ans. For my neighbor choir, for my kid at home, my band for hire, find a cancel in a bank of songs. I'm on the find some chicken wire, a plastic bag, a clothesline full of golden rice. Find some graffiti on my china place. Got a happy hammer for the refined taste. Another school year's clean. The basement's full of all the dandelions. The kiss could pull. Find some entitlement. Some hipster swag. Conversation for my vanity page. Another typewriter's dead, but not the church bell song. I see our future lit in the lights of Hong Kong. By my Christmas faith, the angels shine on the lips of the few that the shadows of. Come on, the lies on the cheeks of your face. Promises on the base of your teeth. Come on, the lies on the cheeks of your face. Will you take what you will receive? Carnival pour ce numéro 8 qui descend de deux places en anglophone. Avant, c'était bien sûr, les Hey Babies et Fil de téléphone. Bien sûr, ça c'est ce que je dis quand je me rappelle pas ce que c'était. Les Hey Babies avec Fil de téléphone qui montent de la 20e place, nouveau la semaine passée. Tantôt, c'est le bloc C'était fou qui s'en vient avec un petit retour en arrière, mais avancé des 7e places en anglo. C'est Jobin et Take a Ride qui descend de la 3e, mais tout de suite, voici Stable en 7e. Francophone, Perle rare d'Alexandre Desilets. Sur C'est fou, 89 FM, c'est les Palmarès, c'est fou. Allumé dans la nuit blanche qui balaye les fonds.

I want to make my way, but I fall. Oh, my love, can you teach me how to shut my pain? Can you help me, even if it is vain? I've been so late, can't you see it's a crime? If you leave me, can you be there for me? Can you be there right now? Is it too late to start over? Jobin et Take a Ride descendent de la troisième à la septième position anglophone sur l'album The New Religion Project. Avant ça, c'était Alexandre Desilets et Perle Rare qui est stable sur l'album Fancy Ghetto. Tantôt, les sixièmes places, mais avant ça, voici C'était fou. Cette fois-ci, on retourne à la semaine du 28 mars au 3 avril 2008. Ne soyez pas gênés. Ne soyez pas gênés. Ne soyez pas gênés. Je recule dans un monde palpable. Sa poitrine est une sécurité. Le plaisir est une magie concrète. Mon univers n'est que géométrie. Mais tout ce qu'on se classe écrit, c'est tout l'écriture. Où est la spontanéité? Tout est automatisé. Tout s'est automatisé. Tout est automatisé. Tout s'est le processus de plainte. Vous avez le droit de formuler une plainte. Alors, c'est juste que tu sais, quand tu dis en ville, le réchauffement de la planète, vous pouvez formuler une plainte officielle aux représentants des services à la clientèle. Ça, on est à l'abri de tout. On dirait qu'il y a une espèce de sphère qui couvre tout le monde. Ça. Puis... Le représentant des services à la clientèle... En tout cas, il n'y a pas trop de police qui nous achète. don't have to do the crime, to do the time. She's killed by association. Right here, I've got something to say. Everything I deserve today is going to come true. How about you? No, you never thought you'd be in this place right here, where we're at. Well, there's something we must confront now. Well, don't you wish you could touch me? Don't you wish you could change the way I feel? Don't you wish you could look into my eyes and make me feel? C'était les premières positions ainsi qu'une pièce bonus provenant d'une semaine dans l'histoire de C'est fou. On est retourné en avril et mars, ouais, mars-avril 2008. On a débuté avec le numéro 1 francophone Petit Big et tout est automatisé de, sur l'album Go le Ciel. Tu vois, je savais que je le raterais. Tout est automatisé de l'album Go le Ciel. Ensuite, le numéro 1 anglophone, Hayden et Infield in Town sur l'album Infield in Town. Et on est terminé avec une pièce bonus que j'ai choisie moi-même, Louis XIV avec Guilt by Association sur l'album Slick Dogs and Ponies. Allons voir ce qui se passait ailleurs dans cette même semaine-là. Qu'est-ce que je reconnais? Le Roi Poisson, Gatineau, le Husky était là, Antoine Corriveau, El Motor, Tricot Machine, dont Catherine Leduc est de retour, on l'a entendu en début d'émission. Pas Chic Chic, Chocolat, en anglophone, il y avait The Mars Volta, Seville, Plants and Animals, Madcaps, Horror Pops, Goldfrapp, Creature et The Hives. Plein de bonnes choses pour cette semaine du 28 mars au 3 avril 2008. Voilà pour C'était fou, on fait ça chaque semaine dans les panneaux assez fous. Et maintenant, on retourne avec nos... En fait, on a seulement la place pour une seule des pièces du, de la 6e position. Donc, on va sauter par-dessus Jimmy Hunt et Marie Les Bleus qui montent de la 17e place. On va l'entendre du côté anglophone. L'ancien numéro 2 qui descend de 4. Voici Young Summer de Pine Tarts. 89 FM, c'est les panneaux assez fous. Of the young summer, I saw good, which is Pointer, c'est Young Summer qui descend de 4 en position numéro 6 anglophone. Ben oui, c'est la fin de cette deuxième heure, la portion top 10. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième heure, ce qu'on appelle la portion top 5. On va savoir d'ici la fin si nos numéros 1 sont toujours en francophone. Bully Days de Mange l'ours mange et en anglo Broken Bells avec Holding On For Life. Ainsi que la chronique ailleurs dans les palmarès, tout ça dans la troisième heure. Restez là! Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. Bonjour les palmarès, c'est fou pour la semaine du 31 mars au 6 avril 2014. C'est la portion top 5 de l'émission et on va entendre les positions 5, 4, 3, 2, 1 dans l'ordre jusqu'à ce qu'on se rende au sommet. Et j'ai déjà une mauvaise nouvelle dès le début de la troisième heure. Nos numéros 1 la semaine passée sont rendus en 5e place et on va commencer avec eux. C'est triste, mais c'est comme ça, faut l'accepter. Hein. Du côté anglophone, la 5e place est occupée par Broken Bells et Holding On For Life qui est là depuis 8 semaines. Du côté francophone, elle est là depuis 7 semaines. Voici Brody Days de Mange l'ours mange. Ça, c'est fou! On va faire un effet. Pardon, pardon. Empiler, refaire la jeunesse, tout révolutionner.

Pif Paf Hangover, 12 Pack, monde 5 places en 4e position anglophone. Ça, c'était du calcul mental. Avant ça, Stable en 4e franco, c'était S'appuie de Pépé et sa guitare. Tantôt, Chai Foxtrot et Candle en 3e place. Mais avant ça, ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès, c'est évidemment... Oui, j'ai fait le pouloumti en même temps que je parlais, c'est jamais arrivé avant. Donc, ailleurs dans les palmarès, c'est le petit segment où on regarde ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, croyez-le ou non, parce que on va dire une phrase comme fou, les palmarès c'est fou, c'est pas juste un top 20 franco et un top 20 anglo. Non, c'est aussi un top 30 des albums, un top 3 des disques canadiens, un top 10 loud, un top 5 musique du monde. Commençons par les albums, tiens. Il y a trois nouvelles entrées. En 30e place, Various Artists, donc une compilation. Bob Dylan in the 80s, volume 1. En 29e, c'est Walrus avec Glam Returns. Et en 19e, le nouvel album de Tokyo Police Club, qu'on a entendu en début d'émission, en nouvelle entrée anglophone avec Force Field. Top 3, en 3e place, c'est Candle avec In Flames. En 2e, ça monte de 6, The Pack 80 et Do Not Engage. Et en 1e, ça monte de 10, Pi Pi avec Pagan D. Dans le top 3 des disques canadiens maintenant, 3e place Candle, 2e place Pack 80 et 1e place Pi Pi. Donc c'est pas mal la même chose que dans le top 30 des albums. Dans le top 10 loud, pas de nouvelles entrées. En 3e place, Menace avec Impact Velocity. En 2e, Behemoth avec The Satanist qui est stable. Et en 1e, c'est aussi stable, Mayhem et Antagonize. Dans le top 5 musique du monde, une nouvelle entrée, la pièce Kalas Bonus Track par Yasmine Hamdan de l'album Yanas Extended Version. En 3e place, ça monte de 1, The Soundmaker, pièce de Rodrigo y Gabriela sur l'album 9 Dead Alive. En 2e, Waits, pièce de Dead Combo sur l'album A Bunch of Meninos. Et en 1e place, c'est stable, c'est Montréal Guitar Trio avec l'extrait Monsieur Piment sur l'album Der Prinz. Je vous ai choisi cette semaine une pièce du top 30 des albums. C'est un top qu'on visite rarement dans cette chronique. Donc, allons entendre une nouvelle entrée, une pièce de l'album Glam Returns par Walrus, parce que ça m'intrigue. Qu'est-ce que c'est, ce Walrus? Walrus, c'est un morse, l'animal, tu sais, on le corne, là. Donc, on va l'entendre un extrait sur cet album-là, Glam Returns. Il s'appelle Banger, tout de suite. Ailleurs, dans les palmarès, au 89 FM, c'est les palmarès, c'est fou. Yeah! C'était particulier, banger, son album Glam Returns par Walrus dans le bloc Ailleurs dans les palmarès. C'est une nouvelle entrée en 29e position du palmarès des albums, le top 30 des albums. Donc, encore une fois, Walrus est le nom de la formation, Glam Returns, le nom de l'album. Et c'est de la pop psychédélique expérimentale, nous dit-on. C'est en effet expérimental, pas mal. Donc, voilà, pour Ailleurs dans les palmarès, on fait ça chaque semaine en 3e heure. On retourne à notre palmarès normal, c'est-à-dire le top 20 franco et top 20 anglo. On est rendu en 3e place. En anglophone, c'est Candle et Demon qui montent de 4 places. Mais en francophone, tout de suite, voici une pièce qui monte de 11. La mémoire courte de Charlie Foxtrot. Bye. Candle Demon, troisième position anglophone, ça monte de la septième place. Avançant franco, c'était Charlie Foxtrot et La Mémoire Courte qui monte, elle, de la quatorzième. On est rendu aux deuxième place, plus grand temps avant les premières. Donc, si j'étais vous, bon, je me mets dans la peau de l'auditeur type, eh bien, je reste à l'écoute. Je sais pas, j'essaie de trouver quelque chose d'autre, mais il n'y a rien d'autre à dire si je resterais à l'écoute. C'est ce que je fais. Donc, pour ce numéro 2 anglophone, c'est le Pack 80 et Airborne qui montent de 6 places, alors qu'en franco, ben, Caroline, ça monte aussi. À chaque fois que je dis « alors que », comme si c'était quelque chose de différent, c'est la même chose en franco. Donc, Marc-Antoine Larche, le voici avec les courants d'air. On va voir, c'est fou. Sur 89.1 FM. De chute, et c'est moi qui veux tomber dur à la lune. J'ai les yeux ouverts, je ne dors pas. La nuit va se réveiller. Trop d'espace, écho du malaise. Mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? What's this? de Pagani et Airborne monte de 6 places en deuxième position anglophone. Alors que du côté francophone, c'est Marc-Antoine Lalarche qui monte aussi de 6 places sur c'est la pièce Les courants d'air sur l'album Les petits effondrements. Voilà. Ça nous amène au numéro 1 déjà. On a presque terminé l'émission. Il reste une vingtaine de minutes. C'est à peu près là qu'on est rendu d'habitude aux premières places. Après ça, on retournera en arrière. On va pas retourner en arrière assez loin pour aller, si on veut, genre faire de la recherche de squelettes. Hein? De squelettes de bois. Hein? Parce que c'est le moment des jeux de mots pour ceux qui n'auront pas compris. Elle est numéro 1. Ils sont accompagnés de mauvais jeux de mots vraiment en poche. Donc, si on retournait en arrière, on irait creuser des squelettes. On retrouverait peut-être un paquet de Jacques morts. Hein? Des morts qui s'appelleraient tous Jacques. Parce qu'à l'époque, tu sais, à l'Égypte ancienne, là, tout le monde s'appelait Jacques. On t'appelait Hey, c'est un bon Jack. C'est de là que ça vient. Tout le monde s'appelait Jacques dans le temps. On comprend-tu? ouais. Disons que, tu vois, je patine un petit peu. T'sais. Et là, je te tutoie, cher public. Comme des gens en récréo, ça tutoie tout le monde. Et je suis pas en récréo, puis je tutoie tout le monde parce que je me signe des gens en récréo. Genre Jean-Philippe Charbonneau. Lui qui est tout le temps en train de patiner en ondes. Il sait jamais trop où ça en va. Mais lui, il préfère le bateau. T'sais, fait qu'il fait de la pagaie. Il pagaie pas mal, t'sais. Pagaie comme Pagan Day, genre. Bon, moi, j'ai pas fait de jeu de mots de pipi parce que le nom du groupe, c'est Pie Pie. Je ferais jamais ça. Par contre, Jean-Philippe, je sais qu'il aime beaucoup les tartes. Donc, Pie Pie. Hein? Voilà. Alors, du côté anglophone, le numéro 1, c'est Pie Pie avec Pagan Day sur leur album Pagan Day. Et en francophone, c'est Jacques Mort avec Squelette de bois sur l'album La Montagne de Feu. Vous aurez maintenant compris mes superbes jeux de mots. Hein? On écoute le numéro 1 puis on se retrouve juste après. Hein? Et ouais. C'est des palmarès. Squelette de bois mort. l'émission. Pour la semaine du 31 mars au 6 avril 2014, on vient d'entendre Pie Pie et Pay and Day, pièce titre de leur plus récent album qui monte de 10 places. Et avant, francophone, c'était Jacques Mare et Squelette de Bois qui monte de 2 sur l'album La Montagne de Feu. À moins que ma mémoire me fasse défaut, et ça me surprendrait pas du tout qu'elle me fasse défaut, il me semble que les deux ont déjà été numéro 1, mais quand même, ça me surprendrait pas avec 8 semaines de présence qu'elles aient oscillé un petit peu d'un bord et de l'autre de nos palmarès. Donc voilà, il nous reste encore un petit peu de temps, donc je parlerai pas trop longtemps pour avoir le temps de mettre deux dernières pièces dans cette émission. Donc on va sauter, on va revenir à des pièces qu'on a sautées précédemment. On va aller dans le bloc des 11, 12, 13 dans ces coins-là. On va commencer par la 13e. On va l'entendre Sexy Mathematics qui est là depuis seulement 3 semaines. Donc une nouvelle pièce, on prend nos plus jeunes. Allons-y avec Winter. Le palmarès, c'est fou. 89 FM. C'était la pièce Winter de Sexy Mathematics, 13e place anglophone, une pièce qu'on avait sauté dans le début de l'émission. Et nous voilà arrivés à la fin des palmarès C'est fou, mais avant de se quitter, on va accueillir nos futurs animateurs, en fait nos animateurs déjà présentement, mais futurs de la prochaine émission à 18h à Libre Ouvert, c'est Félix Antoine, évidemment, Gisley Rousseau et autres, et Camille Durand-Plourde. Oui, salut Mathieu, comment ça va? Vous allez bien? Oui, très bien, moi aussi. Donc, à Libre Ouvert s'en vient dans quelques instants, qu'est-ce qu'on présente à l'émission de ce soir? Aujourd'hui, un contenu assez diversifié, hein Félix? Oui, en fait, on a quelques actualités littéraires qui se trament dans le monde du livre en Mauricie, d'ailleurs, un retour sur les activités de la fin de semaine dernière. Et aussi, c'est le 100e de Marguerite Duras. Donc, on fait un topo entier sur cette écrivaine qui est vraiment fascinante. Donc, c'était à Livre ouvert à 18h les jeudis. Et ça repasse les dimanches matin. Et donc, soyez-y. C'est fou.ca pour la programmation complète. Merci à vous deux. Ben, merci, Mathieu. Vous êtes fin, vous êtes beau, puis ça s'en vient dans 5 minutes même pas. Dans 5 minutes, oui, on est tout fébrile. Prêt à l'attaque. Bonne émission à vous. Merci. À Livre ouvert. Nous, on termine là-dessus. On se retrouve jeudi prochain entre 15h et 18h pour une nouvelle édition. Stéphanie Paradis devrait être de retour. Donc, après nous, vous le savez, c'est à Livre ouvert. On repasse les vendredis soirs à 17h. Après nous, les Bonnets Rouges et Skypunka. Et finalement, les dimanches à midi. Restez là pour Raconte-moi ta ville et Branchez le monde qui s'en vient à partir de 16h. On se quitte sur une dernière pièce qu'on devait sauter. C'est Balladeur et Pretty Face en 12e anglophone. À la semaine prochaine. Salut!